Bonjour, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, nos spacieux studios, et je m'appelle Mathieu Coste. Salut Mathieu. Salut Kiwan. Ça va bien? Ben oui, journée qui continue, tu sais, elle est bien normale cette journée. Eh oui. Très belle. Une émission qui commence aujourd'hui, une émission qui va quand même être chargée aujourd'hui avec, comme tous les jeudis, la présence de Stéphanie Gagné qui va venir nous voir en fin d'émission avec sa chronique Mon plat favori, on sait toujours pas. De quoi on va parler, c'est une surprise aujourd'hui. Ouh, j'aime ça les surprises, moi. Dans leur capsule humoristique Bidon à la question, Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault, eux, vont parler de la Saint-Valentin en retard, donc ça va être divertissant. Il y a plein de gens qui veulent encore entendre parler de la Saint-Valentin. Ça dure pas assez longtemps, selon certains, ça. Ça a pas de fin. Apparemment, ce serait... C'est ça. Ce serait trop, tu sais. Ce serait trop. On commence l'émission avec Yes Ayer. Yes Ayer. C'est pas palmarès anglo. Vite de même. Embling Alp. Au 89.fm. Et on va parler de la semaine, du mois des Noirs, tout à l'heure aussi. Ok. Tantôt. Yeah. jerks. Boy, listen to the rag folks go take a walk on the water. Reflect like a mirror, point forward like an arrow. Pray to my God, write a letter, there'll be hands around us. So take a curse and the storm and the soul. Go! Yes, Glory, de You Say Party, We Say Die. C'est dans le palmarès anglophone ici. Ah, c'est fou. Et vous êtes à l'assemblage requis. Oui, vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Et aujourd'hui, il y a vraiment un paquet de suggestions, sorties culturelles pour ce soir et pour toute la fin de semaine aussi. Il y en a vraiment un paquet. Donc, je commence tout de suite en vous en faisant une. Pour ceux qui sont fans de musique, un style un petit peu plus pop, il y a ce soir à la Maison de la Culture, à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture, Marie-Pierre Arthur et Kevin Thompson qui sont en spectacle. Donc, on va faire un petit bloc très original composé d'une pièce de Vindeki, Marie-Pierre Arthur et une autre de Kevin Thompson. On commence avec... je vais tenir ma chaise, je vais tomber en bas. On fait dans l'originalité aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, on commence avec Kevin Thompson, la pièce « Attitude polaire, entre parenthèses, ta tronche ». J'adore toujours ce nom-là. Thank you. par de là toutes les parts. Got to lose love if you want to find. Colorado et Got to Lose à Assemblage Requis. C'était précédé d'un bloc spectaculaire et spectacle aussi. Oui, c'est ça. Avant ça, on a entendu deux artistes qui sont en spectacle ce soir, Marie-Pierre Arthur et Kevin Thompson. Et c'est étonnant, hein, mais Marie-Pierre Arthur fait la première partie de Kevin Thompson. J'avais tellement l'impression que Marie-Pierre Arthur était plus une tête d'affiche que Kevin Thompson, mais apparemment, selon le producteur du spectacle, ce n'est pas le cas. Mais même si on vous en parle depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de vous dire qu'ils sont en spectacle ce soir. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah non! C'est sold out. Ah! Oh. Et voilà, donc vous ne pourrez pas aller les voir. C'est... Oh, non! Je trouve ça très drôle de vous agacer puis finalement de vous dire qu'il n'y a plus de billets. T'es vraiment poche. Ah, mais quand même, plein d'autres suggestions. On va vous en faire un petit peu plus tard. Même tout à l'heure, on va aller écouter un peu de Mille Monarques parce qu'ils sont en spectacle à Shawinigan en fin de semaine. On l'a dit beaucoup cette semaine, mais on le répète encore parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Mille Monarques sont à Shawinigan. C'est au Broadway Pub, samedi, ça coûte seulement 5$. Mais avant d'aller écouter Mille Monarques, on va se parler un peu de faits divers. De vraies affaires. Bon. Des vraies affaires. Tu sais. Mathieu. Kiwan. Tu veux apprendre des choses, toi? Oui, je veux. Je savais, je te connais tellement. On a appris à se connaître à travers ces dizaines d'émissions. Bon. On va commencer par un vrai fait, un fait important. Tu connais le jeu Farmville sur Facebook? Ben oui, parce que j'en entends souvent parler. Là, t'as déjà joué? Non, j'ai jamais joué, c'est ça. Moi non plus. Les joueurs de Farmville sont plus nombreux que les vrais fermiers aux États-Unis. Le ratio est de 60 contre 1. Il y a 60 fois plus de joueurs de Farmville que de vrais fermiers aux États-Unis. C'est incroyable. Sauf que s'ils faisaient un concours, mettons, un concours de, je sais pas, d'agriculteurs, je pense que les 1 contre les 60 gagneraient quand même. Tout à fait. En passant, Farmville, qui est l'application la plus populaire sur Facebook, de toute l'histoire de Facebook. Ça fait 6 ans, ça veut dire que Facebook existe. 62 millions d'utilisateurs enregistrés et 22 millions de personnes qui se connectent au moins une fois par jour. Farmville, c'est plus gros que Twitter. Twitter dont tout le monde parle, tout le monde est sur Twitter. Farmville, c'est plus gros que ça. Hein? C'est incroyable. Savais-tu, Kiwan, que les sacs, tu sais, les airbags qu'on appelle, là, que les Français appellent ça des airbags, les sacs gonflables, là? Dans les voitures, ça tue une personne pour chaque 22 vies que ça sauve. Ah. Ben, c'est quand même, ben, tu sais, c'est beaucoup, là, quand on entend la statistique comme ça, tu sais, 1 sur 22, dans le fond. Mais, tu sais, c'est pas une fois sur 22 que le sac explose. C'est pas à chaque 22 sacs qui sort qu'il y a une personne qui meurt. C'est à chaque fois que 22 personnes ont eu la vie sauvée par un sac. Donc, ça vaut la peine, je pense. Tout à fait. De prendre le risque. Exact. Les 101 Dalmatiens et Peter Pan sont les deux seuls dessins animés de Disney qui mettent en vedette les deux parents et qui sont présents et qu'il y a personne qui meurt dans le film, là, des deux parents. Aucun parent meurt. Seulement les 101 Dalmatiens et Peter Pan. Pourquoi, tu vas me demander? Pourquoi, Mathieu? Bonne question. Après le succès commercial de son premier film majeur, Walt Disney a acheté une nouvelle maison pour ses parents et une fournaise défectueuse dans leur nouvelle maison a mené à la mort de sa mère par asphyxiation. C'est comme ça qu'on dit ça, asphyxiation. Elle est morte asphyxiée. Bon. Ce qui était évidemment difficile pour Walt Disney, c'est sûrement la raison. Par asphyxie? Asphyxie? Je pense, je sais pas. Bon. Donc, c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de figure maternelle dans les films. Et de façon assez intrigante aussi, tout ça s'est passé entre la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains et la sortie de Bambi, qui est un film, étrangement, où l'animal, c'est quoi? C'est un... Un pan. Un pan! Un dent. Comment? Un dain. Un dain? Un dain. Un dain? Je comprends pas. C'est la même chose. Ah, d'accord. Ou le pain, hein? Dain. C'est pas un pain, c'est juste un dain. Ça n'a pas rapport au pain, là. Non, un pain, c'est un peacock, là, avec les... Ouais, c'est ça. C'est vraiment un dain. Un dain? Eh oui. D'accord. Un cerf. Un cerf. Ah, là, ça me dit quoi? Donc, qui doit passer au travers de la mort de sa mère. C'est ça ce que ça voulait dire. On a pris une minute pour dire ça, mais c'est... Bon. C'est ça qu'on fait ici, à Assemblage Requis. Bon. En parlant de sémen... De sperme, Kiwan, ça t'intrigue. Une fois que le sperme est entré dans le terme médical, le vagin, hein, il ralentit comme sur une autoroute dans le trafic, si on veut. Ça prend 5 minutes pour que le sperme fasse 6 pouces de longueur jusqu'au cervix. Cervix? Les termes en anglais, tu me connais, je connais pas ça. Cervix, en tout cas. Ça peut prendre jusqu'à 72 heures avant qu'il se rende à l'œuf. Mais en gros, le sémen, pour le reste du temps, voyage à 28 000 à l'heure. Et autre fait divers, selon OMG Facts, le pénis en érection, en moyenne, mesure 6,21 pouces. Et un homme va produire 14 gallons de sperme dans sa vie. C'est assez pour remplir le réservoir à essence d'une voiture. Wow! C'est à peu près la même quantité que c'est qui dont Elton John aurait... Dans l'estomac? Ouais, c'est ça, selon la légende urbaine. Qui était fausse, hein? Ouais, qui était fausse, on tient à le dire quand même. Allez réécouter les chroniques Paul is Dead de Simon Fétibé sur le site de C'est Fou. C'est intriguant, ça. Mm-hmm. Le plus grand nombre d'enfants... On reste dans le même sujet. Le plus grand nombre d'enfants nés par une même femme est apparemment de 69. Donc, enfin, ça veut dire qu'il y a une femme qui a accouché 69 fois. Exactement. OK. C'est beaucoup mieux dit que ce que j'ai dit. Ouais. Parfait. On a découvert lors d'une mission spatiale qu'une grenouille peut vomir. C'est vrai qu'une grenouille peut vomir. Et d'ailleurs, la grenouille vomit son estomac en premier, d'accord, son estomac au complet. Donc, l'estomac pend par sa bouche. Ensuite, la grenouille utilise son avant-bras, ses tout petits avant-bras, pour enlever tout l'estomac tout le contenu de l'estomac. Et ensuite, ravale l'estomac dans sa bouche. C'est pas assez dégueulasse, tu penses? Faut comme qu'elle le fasse manuellement, là. Ça pas automatiquement. Donc, l'estomac pogne le contenu avec son avant-bras et ravale ça, c'est génial. D'ailleurs, ça me rappelle dans le jeu Yoshi's Island, Super Mario World 2 ou Super Nintendo, il y avait un monstre qui était justement la grenouille et c'est à peu près ce qui se passe dans son estomac. C'est vraiment cool. Un autre fait d'ailleurs, vu que les grenouilles sortent à la pluie, souvent quand il pleut, les grenouilles c'est là qu'elles sortent. Donc c'est pour ça que ça a commencé au 19e siècle à dire que les gens disaient qu'il pleuvait des grenouilles. Et essaient même des attraper pour le prouver. C'est un mythe. C'est un mythe, tout ça qu'il pleut des grenouilles, évidemment, comme s'il fallait vraiment le dire. Mais c'est faux. Et puis aussi, c'est un mythe qu'on peut attraper des verrues en touchant des grenouilles. C'est pas vrai, ça. Intriguant, non? Mais pas aussi une autre légende qui dit qu'on peut attraper la diarrhée en touchant des grenouilles, non? Ah, non, tu vois, ça, je sais pas. Okay. Je prends ma diarrhée d'une autre façon. À chaque 3 minutes, quelqu'un au monde rapporte qu'il a vu un ovni. Un objet volant non identifié, une à chaque 3 minutes. Un sondage de Roper en 1991 disait que 4 millions d'Américains croient qu'ils ont déjà été enlevés par un ovni. Un sondage de Gallup en 1996 disait que 71% des Américains croient que le gouvernement sait, est au courant de plus de choses que ce qu'ils nous disent sur les ovnis. D'ailleurs, l'ancien président américain Jimmy Carter dit avoir déjà vu un ovni. Même chose pour Clyde Tombaugh, qui est l'astronome qui a découvert Pluton, hein, pauvre lui qui a perdu après ça sa planète. Hein. Et William Shatner qui dit avoir été sauvé par des extraterrestres qui lui ont pointé la bonne direction alors qu'il était perdu dans le domaine, dans le désert de Mojave. Parlant de choses comme ça, insolites là, tu sais, qui se passent là, dans le monde. Jedi, le Jediisme si on veut. Donc la religion Jedi est une religion officielle en Australie avec plus de 70 000 personnes qui suivent cette religion-là, ce qui n'est pas si pire que ça. Et on termine avec le fait que des machines à bonbons, les machines distributrices, tuent 4 fois plus de personnes par année que les requins tuent de gens. 4 fois plus de gens sont tués par des machines distributrices que par des requins. Par la machine en tant que telle. La machine, soit qu'elle tombe ou quelque chose du genre. Là. Ou que tu la frappes pour avoir des bonbons et tu te fais saigner le bras jusqu'à la mort. Ou que tu te fasses attaquer carrément par... on pourrait se faire attaquer à l'arme blanche par une machine. Peut-être, je sais pas. Ouais. Ça doit arriver, sûrement. Ça doit. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, ici, dans notre milieu, ici, là, à Trois-Rivières, par exemple, il y a plus de machines distributrices que de requins. Donc, déjà, on a plus de chance. Donc, ça me surprend pas tant, finalement. Mmh. Je m'en plains pas, d'ailleurs. Je suis content d'avoir des machines distributrices juste à côté du bureau. Ta principale source d'alimentation? Ouais. Mmh. C'est tout pour la chronique, c'est un fait, Kiwan. T'en as appris des choses utiles, tu vas pouvoir les répéter à tout le monde que tu connais. Et penser que je suis intelligent maintenant. C'est ça, c'est un mythe, ça aussi. C'est un mythe. Que les animateurs de C'est Fou sont intelligents. C'était pas un fait, ça. Non. Et on retourne en musique avec Mille Monarques, comme je le disais tantôt, chez Unigan, samedi. On écoute la pièce Cœur volant de Mille Monarques. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Il y a un mythe qui dit que 1000 monarques vont être en spectacle comme chaque. Toutes les 1000 monarques, c'est ça. Sinon. Ça va prendre beaucoup de place. Ça le comble, juste avec le groupe. cerf-volant. Tu tiens la ficelle debout dans le champ. Oh, oh, oh. Resserre tes doigts, ne me lâche pas. Je suis seul. Si tu m'oublies en l'air, seul, descends-moi. L'orage crie de joie. Oh, oh, oh. Il sera trop tard. L'éclair nous traversera. There's this girl I know whose side you see, and I like to show her life ain't always real. Come here, love, that's where you come in, my friend. Show me your secrets, show me all of them. I promise I won't say a word again, and as long as I'm alive, I'll make both sides head so you decide. You'll have complete control of your whole life. Come here, love, that's where you come in. Be my assistant, be my ride, man. We'll find a place between fact and fiction, and as long as they don't know, I saw your disbelief. The Almost avec la pièce Hands dans ce long bloc musical. On avait entendu juste avant Munitionships du groupe A History Of. Oui, vous êtes toujours Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. Il s'en passe des choses ici, culturellement, là, en région. Oui, ben ce soir et en fin de semaine particulièrement. Des fois, c'est mort à Trois-Rivières, là, faut l'avouer, mais là, il y a une bonne période cette semaine pour l'activité culturelle. Je vous parle tout de suite d'une activité qui a lieu un petit peu en dehors de la Mauricie, je dirais, c'est du côté de Drummondville, mais en même temps, ça me rappelle, ça me fait penser que dès lundi prochain, Mathieu, c'est vrai, on va avoir un nouveau morceau qui s'ajoute à l'assemblage d'Assemblage Requis. On va avoir un correspondant drummondvillois, Alexandre Delage, qui va nous faire sa chronique en direct de Drummondville, sa chronique qui va s'appeler Sortie des Boulamites. Ah, pour vrai. Et oui, il va nous sortir des vieux trucs des Boulamites. Donc, c'est dès lundi prochain ici à l'émission. On est vraiment fancy. Nous autres, c'est pas ailleurs que vous allez retrouver ça, là, des chroniques avec un correspondant drummondvillois, là. Quand même pas, non. Non. Donc, on parlait de quoi déjà? On parlait de Drummondville, on parle de We Are Wolves qui sont en spectacle ce soir au Cabaret Box Office à Drummondville, un très bel endroit pour les spectacles. Et la raison pour laquelle ça me tentait d'en parler, c'est que la première partie de We Are Wolves ce soir, c'est le groupe Funambule, qui est un groupe que j'aime beaucoup. J'en fais souvent jouer à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Mais c'est pas aussi, à Assemblage Requis, ben, on n'a pas eu encore l'occasion d'écouter du Funambule ensemble, Mathieu, toi et moi. Ben, en fait, t'as déjà vu Funambule en première partie de Malajube, je crois, à Drummondville. C'était super bon, ça. C'est un groupe drummondvillois. Je connais aussi des membre du groupe, je suis allé à l'école avec un des membres, donc c'est... Name dropper! Je dirais pas que c'est mes potes, mais quand même. Donc j'aime beaucoup ce groupe-là, Funambule. Ils vont sortir d'ailleurs leur premier album, leur premier EP prochainement. Il y avait déjà une pièce qu'ils avaient faite avec une qualité quand même assez impressionnante, c'était la pièce Ton Hiver. Et là, donc, on refait chacune des pièces. Là, présentement, il y en a trois sur leur MySpace. En tout cas, la pièce Ton Hiver, c'est une version différente de celle que je connaissais un petit peu. Et en même temps, là, présentement, je te dirais que la qualité de ce qui est sur MySpace, c'est pas incroyable. J'aimais mieux la qualité du démo, mais là, on l'a pas avec nous présentement, donc on va se contenter de ça. Donc, on va écouter ça. Dis-le donc, tu veux garder des exclusivités pour la dernière porte à gauche. Non. C'est ça que tu veux faire. Ben, j'avoue que je le fais souvent, là, mais tellement. Ici, présentement, non. Mais juste avant d'aller écouter Funambule et We Are Wolves, on veut peut-être parler d'une autre suggestion de sortie ce soir, ici, plus proche de nous. C'est juste à côté, en fait, c'est au 10-12. C'est un gros spectacle bénéfice. Il va y avoir chant, danse, humour, du slam, de l'opéra. Et une parade de mode assez... j'entends dire sexy. Ooh. Moi, j'ai même vu une vidéo sur Facebook disant que si vous fantasmez sur des filles de com, peut-être le moment. Hein. En tout cas, c'est des tactiques de marketing comme d'autres. Il va y aussi avoir, à la fin de la soirée, DJ Omi. Ils vont mettre en vedette les talents des étudiants en communication sociale de l'UQTR au profit de leur participation au jeu de la com qui va se dérouler cette année à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Il va y avoir plusieurs prix de présence. Alors, soyez là, c'est à 20h au 10-12, ça coûte 10$. Dépendant des gens que vous contactez, il y en a qui font les prix spéciaux. Le marketing cette année, le monde en com, hein? Vraiment du marketing, c'est incroyable. 10$, 20h, 10-12, juste à côté de la chasse-galerie, à côté des bureaux de C'est Fou. Hein? Donc, venez nous voir au pavillon Néré-Beauchemin. C'est le UQTR, évidemment. Ils sont en train de faire les tests de son. Je suis allé tendre l'oreille tantôt, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'ils faisaient les tests de maillot? Non, non, c'est ça. C'est juste les tests de son. J'ai pas pu voir les tests de maillot. Zut. Je pense que ça se fait dans le privé, ça. Ah ouais. Ça s'appelle Comment dire l'événement. C'est un jeu de mots avec comme. Donc, ce soir, au 10-12, et nous, on écoute We Are Wolves tout de suite avec la pièce La rue oblique à Assemblage Requis. bien ça te revoir à demain. Retarder ma peine. J'ai tout autour de moi continué tout ça malgré. Funambule. Avec la pièce Ton hiver, c'est la nouvelle version un peu différente, hein, comme je le disais, de celle de démo qu'on connaissait déjà. Donc oui, quand même une bonne différence. Pour ceux qui la connaissent, ça paraît. Sinon, ben c'est une très bonne pièce de Funambule qui sont en spectacle ce soir à Drummondville au Cabaret Box Office. Et là, c'est la fin de l'exclusivité dans la porte à gauche pour ce groupe-là. Eh oui. Bon. Et c'est la fin aussi de la première heure d'Assemblée de Rockies. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure et Stéphanie Gagné va être avec nous pour parler de ses coups de cœur artistiques, culturels, musicaux, cinématographiques, peu importe. On ne sait pas encore ce que c'est. Ça va être une surprise et on va aussi avoir dans la deuxième heure la capsule Vidon la don la question aujourd'hui qui nous parle de Saint-Valentin un petit peu en retard. À peine un peu en retard. Et aussi, on va faire le top 6 des choses inventées ou découvertes par accident. Restez là, ça s'en vient à Assemblée de Rockies. Oh, Bon retour, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Excellente Assemblage Requis. C'est l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et Mathieu, et ce jusqu'à 17h. Et oui, d'ici la fin de l'émission, dans environ une demi-heure, je dirais, on va recevoir Stéphanie Gagné qui vient toujours aller les jeudis pour nous faire sa chronique. Ton plat favori, on ne sait pas par contre de quoi elle va nous parler aujourd'hui. Toujours une surprise. Toujours une surprise. Avant ça, par contre, on a une bonne vieille capsule classique, oui, de Vidon à la question. Vous savez, ça fait quand même quelques temps déjà qu'on diffuse de vieilles capsules vintage, tout à fait vieillottes, mais tellement bonnes. Tu sais, des fois, quand on voit des genres de rétrospectives étirées sur un long temps, c'est que quelque chose en vient à sa fin, là. Hein? Bon. Et celle-là, ce qu'on va écouter aujourd'hui, tu me disais que c'est ta préférée, celle-là. Hein? C'est ma préférée de tous les temps, celle-là. OK. C'est ma préférée. Donc, on l'écoute tout de suite, spécial Saint-Valentin de Vidon Ladon, la question. Vidon Ladon, la question. Bonjour tout le monde, bienvenue à Vidon Ladon, la question. Ici Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault pour un spécial Saint-Valentin en retard. Ben ouais. Oui, hein, on est tellement, tellement dans le vent, nous autres. Hein? On attend que les événements soient passés pour faire un spécial de ça. Hein, y en a-tu encore que ça leur tente d'entendre parler de la Saint-Valentin? Non, hein? Non. Ben! Attention, parce que quand on en parle à la manière de Vidon Ladon la question... C'est comme si on en parlait pour la première fois. On va aller rejoindre tout à l'heure Robin Desbois, oui, qui est professeur d'une école de Cupidon. Oui, il montre au petit Cupidon comment tirer comme du monde à l'arc. Donc, parce que Cupidon, c'est la même affaire que le Père Noël. Oui, il envoie des copies de lui dans les centres d'achat à la job sale. Donc c'est un peu ça. Spécial Saint-Valentin avec Robin Desbois. C'est Robin Desbois, le valeureux dans la forêt de Sherwood. That's me. Robin Desbois, oui, il est bien gentil, mais il parle rien qu'anglais. It's true. Robin Desbois, il est professeur d'une classe de Cupidon. Il enseigne comment tirer des flèches droit au cœur pour aider les gens à tomber en amour. Welcome to the Sherwood Forest, you wanna be Cupids? My name is Robin Hood. And I'm going to be your archery teacher. Alors, bienvenue dans la forêt de Sherwood, chers apprentis Cupidon. Moi, je suis Petit Jean, le traducteur de Robin, qui parle rien qu'anglais. Alors, Robin va être votre prof de tir à l'arc. That's right, and you're here to learn how to aim an arrow properly in order to help people falling in love with one and other. So, Robin dit que vous allez apprendre comment tirer les flèches sur le monde pour que tout le monde tombe en amour les uns envers les autres. Okay, folks, as you know nowadays, speed dating, internet pornography, and masturbation mainly causes couples to break up quicker than they used to. So that means that we need you more than ever. Ouf, ok, ben oui, c'est ça, le Robin dit que dans le monde moderne, les couples ça marche pas fort, fait qu'on se retrousse les manches, on a du pincé à la planche, boys. So let's get started with the first lesson, how to choose the correct couple. Alors, première leçon, comment faire un bon match? Ah, que c'est bon. Ah, on va revenir, hein? Certainement. Hey, c'est quoi ça, cette affaire-là qui vole? Ça avait l'air d'être Cupidon. Ben oui, Chris, c'est Cupidon. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient vers nous, là. Hey, t'es un peu, là, il est en train de... Il va nous tirer dessus. Mais dis-y. Hey, arrête ça, toi, c'est ma sœur. So, lesson number two, the importance to aim correctly. Leçon numéro 2, avoir du visu. Non, moi, je suis en train d'avoir envie de mon chien. Oh, we had fun. Le meilleur, c'est qu'ils sont encore ensemble. OK. On reprend. Lesson number 3. The speed with which you shoot the arrow indicates the degree of intensity of the love that you will create. Leçon numéro 3. La vitesse de la flèche détermine la force de l'amour. Oh, on dirait que je sais quelque chose pour toi. Je t'aime. Je suis complètement fou de toi. Oh, mon amour, j'ai le goût de rencontrer ta mère. Spécial Saint-Valentin avec Robin Desbois, professeur de l'école des Cupidons. Okay, I hope you wannabe Cupids learned a lot today. So, any questions? Moi, monsieur. Yes? J'aimerais savoir ce qui arrive si, par erreur, on tire toutes nos flèches sur la même personne. What's he saying? He's asking that if we shoot all the arrow on the same person, what is going to happen? Well, in fact, it's pretty clear. He's going to fall in love with himself. Robin dit que la personne va tomber en amour avec elle-même. Comme Patrick Huard? Oui, t'es un bon exemple, ça, Patrick Huard. Ou comme Pierre Lapointe? Ouais, c'est ça, comme Pierre Lapointe. Autre bon exemple. Who's Pierre Lapointe? You don't know Pierre Lapointe? Well, in fact, I don't. Well, Pierre Lapointe, what to say? He's known as a singer poet. Did the duo with Yannick Nézet-Séguin. You don't know him? You know the song, là? No. We all want to sniff the entrecuisse of Emily, no? No, no. Two by two rassembled, no? Ta-ta-ta-ta-ta, no? No, really, actually, I don't. Ah ben... Okay, so lesson's over for today. I'll see you tomorrow, enemy. I'm gonna get back on my bloody horse and still rich people to get the report. Je monte avec toi, Robin. Good, petit Jean, hop in. Bon. Mais on va checker ce qu'il y a de bon radio en attendant de trouver un riche à voler. Tasse la crinière, ouais. God, that's a song that was in a film featuring myself. Ben oui, c'est bien trop vrai. Robin Hood avec Kevin Costner. Mon doux, quel anachronisme. Petit Jean, look at that beautiful car. He's probably bloody rich. Let's get him. Mais là, t'es un peu Robin, là, c'est un hummer. Là, tu ne l'attraperas jamais. I've got to try. Oui, mais là, t'es un peu, là. On est attendu pour souper chez Frère Toc à la trappe d'Oka. Never mind, Frère Toc, Petit Jean. Bon, ben, tu te mets d'appeler Frère Toc et tu dis qu'on va être en retard pour souper. Veuillez dire une commande. Appelez. Dites le nom ou le numéro. Frère Toc. Avez-vous dit Frère Toc? C'est ça, Frère Toc, appelez. Connexion. Look, Petit Jean, hein? We're getting closer to the car. I can even read this ticker he has on his bumper. Liberté, j'écris ton nom partout. Voyons donc, Liberté, j'écris ton nom partout. What the fuck, c'est pas les Luards doing on a sticker of a Hummer? We're gonna rob him, Petit Jean. Oh que oui, qu'on va tout y voler son cash. Je te dis que c'est les pauvres qui vont être heureux. Ha ha! Robin des Bois, il est ben gentil, mais il parle rien qu'anglais. That's true. Il vole aux riches, il donne aux pauvres le verre d'un Hochelaga. That's right. Mais les pauvres, quand ils ont de l'argent, ils nourrissent pas leurs enfants. What? Les pauvres préfèrent s'acheter de la bière, des gratteux, des clopes, des grosses télévisions plasma. Tabarnak, Robin Hood et Kevin Costner, un si maudit film plate. Faut bien la peine de se payer le corps et s'y voir la merde. Hey, Steve! Qu'est-ce qu'il y a? Allons me chercher une bière! Aïe, aïe, aïe, aïe, le père, il n'y en a plus la bière! Oh, tabarnak, il reste-tu de l'argent? Ben, je fais pas, moi, là, c'est ton argent, le père! Alors, a checké dans la petite bourse de Robin des Bois, nous a laissé. Non, pas une scène, le père, nous a rien laissé de la farine de Robin Hood. Là, de la farine, de la farine. Si tu veux, je crisse avec de la farine. Est-ce que tu l'as dans le boulanger, moi? Crisse, le BS! Maudit Robin des Bois, comprend rien aux pauvres, lui, calisse. C'est les Christ pauvres, les miteux, les galeux, les ratés, les cossés de partout. Oui, les Christ pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans la vie, ceux qui ont jamais un sou. Ce qui nous empêche d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Si pouvais-tu s'assire dans le coin ben tranquille sans rien dire, si pouvais-tu nous laisser en paix une bonne fois ou mourir, on pourrait enfin ce que l'on veut quand on veut, tout au moins, sans se préoccuper de plaire ou déplaire à nos voisins. Sans ces Christ pauvres, ces miteux, ces galeux, ces ratés, ces cassés de partout. Oui, ces Christ pauvres, ceux qui ont jamais rien su faire dans vie, ceux qui ont jamais un sou, ce qui nous empêche d'être heureux et de faire tout ce que l'on veut. Oui, nous empêche d'être heureux, Christ pauvre. Vous êtes à Vidon là dans la question. On espère que vous avez apprécié en apprendre un peu plus sur l'école de Cupidon. Oui. Donc, si jamais vous êtes intéressé à vous lancer dans le matchage, hein, mais vous savez qui aller voir. Oui, Robin Desbois. Tais-toi. Et là, Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Là? Ben, écoute-moi, mon homme. Je suis en train de prendre un cours à l'école nationale de l'humour, un cours de soi, toi. Ben, je sais bien, oui. Oui, et Chris, ben non, mais je l'apprends à toi et aux auditeurs en même temps. Oui, c'est ça. C'est un cours d'écriture humoristique. Hein. Tu sais, je me suis dit que ça ne ferait pas tort à nous autres à Vidon là dans la question. Tu sais. Oui. Puis, bon, on a eu un devoir à faire. Il fallait écrire des jokes, des jokes à fret de même avec différents procédés comiques. Oui. Et puis, bien évidemment, toi et Luc, fin comme t'es avec ton grand cœur, tu m'as aidé à brainstormer. J'ai fait ça. Pour que mon devoir ait de l'allure. Ça parle pas rien que de rectum. Bon, non, là. Non, si ça avait été toi et tout seul, ça aurait parlé de rectum. On met les choses au clair avec nos auditeurs, là. Les jokes de rectum viennent toutes de Luc. Non, mais pour vrai, on a écrit toutes ces jokes-là, puis on s'est dit, ben, tant qu'elles avoir écrites, aussi bien vous les shooter dans votre radio, fait que c'est ça que vous allez entendre. Ben, c'est clair que, bon, ça nous ressemble pas beaucoup, là. On fait pas ça nécessairement souvent. Mais ça va être le fun, surtout qu'on a Mike en studio. Salut, Mike! Salut, boys! Mike, tu vas nous jouer du drum. On va checker ça avec toi. Cool! Et on a également toute une foule en studio. Ça va bien, tout le monde? Vous êtes là? Yeah! Hey, la gang! Oh, oh! Faut donc, Mathieu, on est prêt. À toi l'honneur. Un moment donné, c'est un policier qui arrête un voleur. Ouais. Là, il pointe avec son fusil puis il demande de se coucher à la face première contre le capot du char de police, là, les mains dans le dos. Là, le criminel, là, il demande « Tu vas me passer, menottes? » Et le policier répond « Non, faut que je change de bobette puis je veux pas que tu me vois. Okay. » Ah ouais, Luc, t'as ton tour. On se réchauffe. Okay. Ouais. Écoute, c'est un couple toi qui conduit en voiture. Là, la femme, elle voit une belle petite maison sur le bord de l'autoroute puis elle dit à son mari « Hey, il y en a qui ont un moyen, hein? Se faire construire une autoroute juste à côté de chez eux. Hé, hey Luc, dans le journal à matin, t'as vu ça? Ben quoi? T'as écrit importation illégale de Viagra au Canada. La GRC est impuissante. Oh! Spirituel. Oui. Hey, mais parlant d'actualité, justement, c'est pas drôle hein, ce qui arrive au fils de Guy Lafleur. Ah non, hein? Non, il faut dire, en tout cas, avec l'éducation qu'il a eue, hein, tout ce que son père trouvait comme moyen pour le punir, c'était de se donner des 2 minutes pour conduire antisportive. Ah! OK, on enchaîne. Hey, oui. Un moment donné, c'est un père qui voit ses deux fils qui se battent. Il dit, arrêtez de vous battre, ou sinon vous allez toi et deux m'en haine voler. Oh! Hey, la blonde à mon père a des seins tellement gros. Écoute, quand elle conduit, elle klaxonne continuellement. Hey, si Brigitte Bardot était un film, ben ça prendrait un Christy de long générique pour nommer tous les acteurs qui ont joué dedans. Oh! Hey, as-tu le goût d'une petite joke d'urophile, mon Matt? Oui, un urophile qui se trouve à être. Un urophile, c'est quelqu'un qui tripe sur l'urine. Oui, ben shoot! Non, mais comment tu crouses ça, toi, une urophile? Je sais pas. Du coup, tu lui dis, hey, ça te tenterait-tu de venir prendre une bière puis qu'on finisse ça chez nous en se la pissant dessus? Donc, être dans le hardcore, mon Luc. Écoute, toi, je connais un zoophile, moi. Un zoophile? Ah, c'est-tu pauvre gars, tellement de misère à rester fidèle, le zoophile. Comment ça? Toujours en train de passer du coq à l'âne pour ensuite revenir à ses moutons. Hey, une dernière avant de passer en chanson. Quoi? As-tu vu ça, l'annonce des nouveaux Swiffers? Non, non. Et ils font le même job que les escouades anti-manif. Il emprisonne le poêle! Oh! Bon, ça passe toujours bien, c'est une joke de hippie. Ah oui, c'est une joke de hippie. Bien mieux qu'une joke de Cédric Hamon. Ouais, un petit peu bon. Et c'est déjà tout pour Vidon Ladon, la question cette semaine. Que de beaux moments! On a eu du fun, Luc pis moi, cette semaine. On a du fun, certain. Soyez là la semaine prochaine. Vidon Ladon, la question. Hey, ça, c'était une cavalcade de blagues incroyables. Ouais, mais il était pas tout super bon, mais il y en avait même de très, très fortes. C'était spécial Saint-Valentin en retard de Vidon la droite question, diffusion originale 19 février 2008. C'est excellent comme toujours avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Allez voir Vidonladon sur lec.com, vidonladon.com pour en savoir plus et pour entendre de bonnes vieilles capsules de ces deux farfelus fanfarons fredonnant des frivolités. Et nous, on vous en diffuse une autre jeudi prochain, comme tous les jeudis. Et celle la semaine prochaine, je pense, tantôt, tu nous disais que c'était ta préférée. Oui, soyez là la semaine prochaine pour ma capsule préférée, Vidon Ladon, la question à vie. Cool. Donc, c'est jeudi prochain dans l'émission ici. Dans quelques minutes, Stéphanie Gagné vient nous rejoindre pour sa chronique Ton plat favori. Mais tout de suite, on va aller écouter une pièce de OK Go. Voici WTF! What the fuck? Point d'interrogation. Ça sac, là, comme dans la capsule de Vidon Ladon. Il était obscène aujourd'hui. C'était non. Inacceptable. Non. Je n'endosse pas leurs propos. fou, c'est fou, c'est fou comme un ballet. Comme un ballet. 89. C'est fou de la Seine émergente. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées avec moi, Mathieu Plante, et mon bon ami Kiwan. Ton bon ami. Ben là, quand même, Kiwan, prends-le, là, je te le donne. Ouais, OK, on va profiter de cette belle amitié, Mathieu. On dira pas amant à la radio, là, quand même. Mais non, on parlera pas de ça, surtout qu'on n'est pas seul présentement, Mathieu. Que c'est pas vrai, oui. T'as remarqué, regarde à ta droite, on n'est pas seul. Par là-bas, nous sommes entourés. Hey, bonjour, Stéphanie. Ben, je dirais pas qu'elle nous entoure quand même. Non, mais c'est parce qu'elle est entre toi et moi, en tout cas. C'est plus elle qui est entourée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. On va reprendre ça. Stéphanie Gagné est avec nous pour sa chronique « Ton plat favori ». Comme je voulais dire le contraire de ça, finalement, c'est parce que tu étais comme entre nous deux, mais je savais pas comment dire que t'étais. J'ai comme dit, en tout cas. Je suis entourée. Oui. Pas toi. Bon. Je suis pas assez. Large. Je voulais pas dire ça, mais non. Bon. Voilà. Bonjour, les garçons. Salut. Salut, je vais te laisser continuer. On parle toujours de sujets qui n'ont aucun rapport avec la chronique. Mais c'est l'idée d'assemblage requis. Tu commences à t'habituer hein, au format de l'émission. Ouais, c'est... mais ben, j'aime ça. Je trouve ça drôle. Au moins, t'es pas Émilie Gauthier le mardi. Hein. Je sais pas Pourquoi? Si t'as déjà entendu nos chroniques avec non, elle, mais travaille. C'est pauvre n'importe elle. Quoi. Pauvre elle. Pauvre vraiment, elle. Ouais. Oh, j'ai pitié pour elle alors. Je vais écouter ça un moment donné. Bref, la souffrance continue avec nous. On pourrait essayer là, de disperser un peu notre pertinence sur chacun des chroniqueurs au lieu de s'acharner sur certains. Faudrait commencer par s'en acheter, la pertinence. Ouais, ouais, c'est ça. Bonne On idée. Ira magasiner ça en fin de semaine. Fait dolo. Au marché aux puces. C'est ça. Donc, on sait pas de quoi on parle aujourd'hui dans le plat favori. Cette semaine, je vais vous parler de mes voix masculines préférées. Parce que pour moi, quand j'écoute de la musique, faut vraiment que la voix soit écœurante. Il faut vraiment que la personne chante bien, sinon j'aime pas ça. C'est comme tes animateurs de radio. Exactement. Tu viens ici parce que tu trouves nos voix... La voix super énergique et la voix super sensuelle, wow! Laquelle est laquelle déjà? Ben, elle a fait des signes avec ses bras. Moi, ouais, je veux qu'elle les dise pour les gens à la radio. OK. Donc, en fait, je veux pas que tu les dises parce que je viens d'écouter ce que tu viens de dire juste après que tu l'aies dit. C'est ça, ça serait Est-ce que gênant. Tu préfères être énergique ou sensuelle? Je suis pas sûr, là. Bon, donc... Mes voix masculines. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Close Down, un groupe de la Mauricie. Ah, non. Un peu, je pense que je connais un membre, mais vas-y, non. Ils ont sorti un album il y a quand même quelques années, je pense que ça fait 3-4 ans. Puis là, ils planifient sortir un album bientôt, là. Mais le frontman de ce groupe-là, c'est David Lavergne. Et il a vraiment une voix extraordinaire, sérieusement, c'est... Moi, j'entends sa voix, je capote. Et il a fait deux CD solo. Là, j'ai le premier, David Lavergne, comme vous voyez, écrit à la main et tout. Signé par sa main à lui? Oui, signé par sa main. Caline. Donc, on voit que... Le crayon et le On peut pas aller chercher ça au HMV ou au Archambault, peu importe. Mais confirme-moi que tu n'as pas tranché la main pour écrire la signature. Hein? Non. OK. Non. Alors, c'est ça. Il a fait deux albums solo, un l'année passée, et celui-là date de quand même quelques années. Et il a aussi fait un autre projet solo, David is a Machine, qui est plus électro. Je souhaite vous en parler dans une autre chronique. C'est vraiment super bon, ce projet-là aussi. Mais c'est ça. Voilà, c'est vraiment une voix écœurante. J'adore. Mais les chansons, par exemple, se ressemblent pas mal toutes, mais sont toutes vraiment bonnes. Toutes de très bonne qualité. C'est quand même slow, par exemple, très acoustique. Mais... Je pensais que tu étais pour dire les chansons sont vraiment poches, par exemple, mais la voix était 40, mais non. Non, j'aime vraiment les chansons aussi. Ils se ressemblent pas mal, mais sont vraiment. C'est super bon. Là. C'est quand même calme, par exemple. C'est très, très smooth. Okay, on va écouter ça. C'est quoi le nom du gars? David Lavergne. Lavergne, d'accord. Et on écoute la pièce. The Moves She Wanted Me to Dance. Parfait, on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis dans le plat favori. I'm trying all this right. I am run down. Yeah, I'm run down. Losing odds no more again. I've got something else to try. I'm trying all this right. I am run down. Yeah, I'm run down. Losing faith no more again. I've got something else to try. tried. Yeah, there was something else to find. There was something else to find. Losing by the water again. So my love was everywhere. There is nothing left to fight for. Between your burning all its mess of light. Assemblage requis à la chronique Ton plat favori avec moi-même, Stéphanie et Mathieu et Kiwan. Hey, tu peux mettre en deuxième, faire changement, cool. Non, je t'ai mis en premier, Mathieu. Bon, mais t'as dit Stéphanie en premier, c'est toi, Stéphanie, ça? Ah, ouais, mais moi, je me compte pas, je suis moins importante que vous, tu sais. Ah! C'est vrai. Non. Voilà. Alors, The Moves She Wanted Me to Dance, une chanson très, très, très, très, très bonne. Oui. Est-ce que vous l'avez aimée? Oui, ben c'est vrai que sa voix est caractéristique. Ouais, c'est bien. Ouais, il y a vraiment une voix spéciale, mais j'aime vraiment ça. Et le deuxième artiste que je trippe vraiment sur sa voix, c'est Cillian Caller. Vous connaissez Cillian Caller? C'est pas un side project de quelqu'un, ça. Non? Alexis on Fire. Ouais, c'est le chanteur, et non le screamer, mais le chanteur de Alexis on Fire qui a parti Cillian Caller. Quand tu parles de screamer, c'est le gars qui crie dedans, oui. Ça? Okay. Oui, c'est ça. C'est le gars qui crie dans Alexis on Fire, mais lui, c'est celui qui chante. C'est dur de se gratter le nez en parlant dans un micro, hein? Oui, c'est beau aussi. Merci. Alors, c'est ça. Il a fait deux CD, ça c'est son premier. Il est sorti en 2008, Bring Me Your Love. Mais celui-là, il est vraiment super bon. Là. C'était justement dans mon époque emo et tout le kit. Là. On voit la pochette que ça fait très, très emo, je trouve. Mais c'est quand même un très bon CD. Il y a un cœur avec une toute clé. C'est un petit oiseau avec un toupet dans le visage puis des pantalons serrés. Exactement. Oui, c'est ça. J'ai déjà vu Cillian Caller en spectacle. C'était très bon, mais ça aussi, les chansons se ressemblent un peu. C'est tout acoustique, dans le même genre que David Lavigne aussi. Mais c'est ça, il y a vraiment une voix écœurante aussi. Moi, j'aime Alexis on Fire juste pour lui, pour Cillian Caller. OK, donc on va l'écouter, cette pièce de Cillian Caller. Donc, on rappelle qu'on est dans aujourd'hui, dans le plat favori, on parle des voix masculines préférées de Stéphanie. Donc, on écoute la pièce... Save Your Scissors, la plus entraînante de l'album. Parfait, on écoute ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des bourrons, les ciseaux, les ciseaux? Come on. yourself, save your scissors for someone else's skin. My surface is so tough, I don't think the blade will dig in. Save your strength, save your wasted time. There's no way that I want you to be left behind. Go on and save your scissors. Save your scissors. And I have never claimed to have patents on such inventions. And just save your scissors for someone else's skin. My surface is so tough, I don't think the blade will dig in. Save your strength, save your wasted time. There's no way that I want you to be left behind. Go on and save your scissors. Save your scissors. Something that I must confess to you tonight, to you tonight. And that is, I expect nothing less from you tonight, from you tonight. Go on and save your scissors. C'est moi qu'il faut qu'il parle en premier, là, encore? Toujours. Toujours. Bon. C'est toi qui est comme là pour nous. T'sais, si t'étais pas un des morceaux d'Assemblage Requis, Assemblage Requis n'existerait pas. Ah! Oh, pourtant, hein? Vous existiez, là, je sais pas, 2 mois? Ouais, c'est de la merde, par exemple. Ah! Oh, maintenant que je suis là, c'est moins de la merde. Oui, exactement. On descend le niveau de merde à tous les jours, ici, à Assemblage Requis. Ben, je suis fière de le faire descendre. Merci beaucoup. Alors, voilà. Save your scissors. Voilà, on vient d'entendre la City and Color. Ouais. C'était, ou Dallas Green, c'est la même personne. Ça, là, tu m'as fait exploser le cerveau. Ah, c'est écœurant. City and Color. Et Dallas Green. Dallas comme une ville, Green comme une couleur, City and Color, ville et couleur. Waouh. Voilà. C'est comme toi, Mathieu, si tu te partais un groupe, ça pourrait s'appeler comme Apôtre et végétal, botanique. Oui. Ouais. Apôtre botanique. Ça serait parfait. Nouveau surnom, Apobotan. Oh. Apobotan. Waouh, hey, nouveau surnom. Joli. Cool. C'est vraiment le moment pour se trouver des surnoms, j'aime ça. Cool. Moi, c'est quoi mon surnom? Stéphanie Gagné, ok. Donc, Stéphanie, la Ouattatata, Couillard, Gagné. C'est Couillard, Couille. Couille One. Gagné, Couille One. Couille One. Kiwan et Kuiwan, nouvelle émission. Kiwan et Kuiwan, lundi au jeudi. Duo humoristique. Hein. Vraiment, là, t'as vidéo dans la question et t'as Kiwan et Kuiwan. Kuiwan. C'est vraiment pas chic. J'adore ça. OK. Bon, ben merci beaucoup, Stéphanie Gagné. Ben, de rien. Toujours plaisant de participer à votre folie à toutes les semaines. Donc, c'était tes voix masculines préférées. Peut-être qu'on pourrait entendre un jour tes voix féminines préférées. Ouais, j'écoute un peu moins les voix féminines. T'aimes pas les voix féminines. Si je vous apporte des voix féminines, ça va être vraiment quétaine, là. Puis, je pense que j'ai mis ma limite de quétainerie aux années 80. La semaine passée, ou là. Deux semaines. Sur CIF.ca. Allez voir, allez écouter même, je dirais, les balados de diffusion de Stéphanie Gagné sur CIF.ca. Ils sont toutes là. Ouais, mais un peu, c'est intéressant quand même ce que tu disais là. Tu dis que t'écoutes de la musique quétaine parce que t'aimes les voix de filles. Donc, tu préfères entendre la voix puis apprécier la voix d'un artiste que même si c'est vraiment pas bon, puis que la musique est super quétaine. Ouais. OK. Ouais. Des fois, j'avoue que sur iTunes, là, sur mon iTunes, j'ai des tunes vraiment quétaines, que la musique est dégueulasse, c'est zéro artistique, zéro talent, mais la fille chante bien. Parce que moi, j'aime ça chanter, fait que j'aime ça chanter des chansons que la fille chante bien. Ah ben c'est, ouais, c'est étrange, mm-hmm. comme... C'est, je sais pas, non, je vais m'abstenir. Je voulais en nommer, mais finalement, c'est trop gênant. OK. Je vais vous dire ça hors d'onde. Est-ce que c'est sur la trame sonore de One Tree Hill? C'est encore pire que ça. Ah ouais, bon. Encore pire. Eh, merci encore, Stéphanie. De rien. C'était un beau moment, je trouve. Mm-hmm. Ouais. Ton émission, La Pain Bêche en mission, ça s'en vient dans à peu près 15 minutes. Il dit tout le temps La Pain Bêche, hein? C'est une. Ah. C'est un autre article. Une. Une Pain Bêche. Okay. Ben, je m'excuse. C'est un article. Une, c'est correct. T'allais me demander qu'est-ce que. Donc La Pain Bêche en mission. Une Pain Bêche. Donc La Pain Bêche en mission, ça s'en vient tantôt. Oui. Et là, il va me demander qu'est-ce que je vais faire jouer ce soir. Ouais, je pensais pas avoir besoin de te le demander, mais qu'est-ce que tu vas faire jouer ce soir? Ah, merci. The Stills, Okkervil River, Yeah Yeah Yes, The XX, You Say Party, We Say Die, et We Are Wolves, et plein d'autres bonnes choses. Est-ce que tu vas faire jouer du Waving Hand? Non. Ha! Dans les dents! Ben, on va en écouter tout de suite. D'abord, on va écouter la pièce. On va écouter Bonne Nuit, Mon Cœur, de Waving Hand. Pour moi? Oui, juste pour toi, merci. Mathieu. Je me sens exclu. Bon, pour vous deux. Donner. Merci. Ben, on va se l'écouter ensemble. On va en profiter ensemble. Ouais. Donc, à tantôt, Stéphanie, dans 15 minutes, la paix bêche en mission. Ça revient. On écoute Waving Hand tout de suite à Assemblage Requis. Thank you. Le Tanuki Project avec la pièce Right Place. Et vous avez peut-être entendu parler du Tanuki Project dernièrement parce qu'il était supposé être en spectacle à Trois-Rivières au Zénob en fait le 20 février. C'est en fin de semaine, hein, c'est samedi. Mais le spectacle a été annulé. Donc vous ne pourrez pas aller les voir malheureusement. Mais vous allez pouvoir jouer à Mario Bros 3 et utiliser le Tanuki Suit de Mario. Du Tanuki, c'est celui où tu peux voler, t'es comme un renard, puis là tu peux te pencher puis devenir une statue, puis la personne te voit, puis face au travers de toi, puis là tu peux voler après ça, c'est cool. Ça s'appelle comme ça pour vrai? Tanuki wow. Suit. Ouais. Il y a un site aussi, Tanuki quelque chose, de jeux vidéo, c'est vraiment cool. Incroyable. Je sais. Donc, c'est ce qui me fait à l'émission aujourd'hui. Oui, on n'aura pas le temps de faire le top 6 des choses inventées ou découvertes par accident, mais on va le faire la semaine prochaine, lundi. Aux dernières nouvelles, on fait l'émission lundi. Fait que c'est ça. Parfait. Donc, on se retrouve lundi, Mathieu. Oui, et puis Stéphanie Gagné va suivre avec son émission Une pêche en mission à 17h. Suivra à 18h l'émission La Spirale. Et puis, à 21h ce soir, il y a Skate Punk pour du punk rock. Si vous avez raté une entrevue, ou enfin, il n'y a pas eu d'entrevue, mettons une chronique, un segment, un bloc, une recette, peu importe, c'est dans Le Meilleur de ces fous que vous allez les réentendre en même temps que les meilleurs moments de On s'appelle, on déjeune avec Simon Fétibé et Le Dîner de con avec Danny Janvier. Et ça se passe demain, vendredi, entre 6h30 et 9h30. Et ça joue aussi samedi à partir de 14h. Soyez à l'écoute. Allez voir sur assemblagerequis.com pour la balle diffusion et pour les d'aujourd'hui. Parfait. Donc, on se retrouve lundi, Mathieu, et on se laisse avec une pièce de Devil's Hot Rod, la pièce Mom in Jail. Et on laisse Stéphanie Gagné s'installer. Bonne fin de semaine. Bye. I'm a down, see my mom in jail. I'm a down, see my mom in jail. I'm a gonna see my mom in jail, don't you kill my dad.